Ainsi, Rome, si jaloux de sa liberté, par cet amour de la liberté qui était le fondement de son état, a vu la division se jeter entre tous les ordres dont elle était composée. De là, ces jalousies furieuses entre le Sénat et le peuple, entre les patriciens et les plébéiens. Les uns, alléguant toujours que la liberté excessive se détruit enfin elle-même, et les autres, craignant au contraire que l'autorité, qui de sa nature croît toujours, dégénéra enfin en tyrannie. Entre ces deux extrémités, un peuple, par ailleurs si sage, ne put trouver le milieu. L'intérêt particulier, qui fait que de part et d'autre, on pousse plus loin qu'il ne faut, même ce qu'on a commencé pour le bien public, ne permettait pas qu'on demeurât dans des conseils modérés. Les esprits ambitieux et remuants excitaient les jalousies pour s'en prévaloir, et ces jalousies, tantôt plus couvertes et tantôt plus déclarées selon les temps, mais toujours vivantes dans le fond des cœurs, ont enfin causé ce grand changement qui arriva du temps de César et des autres qui ont suivi.